Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Salut, Shadows. Ok. Allez, on va faire du bruit. On comptait sur toi pour jouer la guitare. Come on, play. Ciao. Ciao, ciao, ciao. No. J'étais venu vous faire des bisous. J'étais venu vous faire des bisous. Queen. En effet. Shadow, mais oui, jouez. Jouez, sinon elle ne va faire que causer. Oh. Smack, Bilos. J'étais venu vous dire que je m'en allais. J'étais vous dire que je m'en allais. J'étais venu. Yeah. Thank you.